s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, où ça? N'importe où, moi je m'en fous, t'as idée? Ouais, t'as des cigarettes, t'inquiète pas, j'ai celle du père, il les fume pas, ça va mal à la maison, la mère pleure, je comprends pas, viens chez l'arrêt, y a du monde, chez l'arrêt, y a beaucoup de monde, chez l'arrêt, y a une blonde, chez l'arrêt, y a tout le monde, chez l'arrêt, on sent bien, chez l'arrêt, c'est tout, c'est rien, chez l'arrêt, c'est notre club à nous, chez l'arrêt, on sent chez nous. J'ai 17 ans, j'ai pas de job, je fous le camp au Mexique. Mon père veut pas, ça fait rien, il me verra pas dimanche matin. Ma petite amie, elle a pas de robe, des jeans blancs, des cheveux dans le vent, je l'aime de même, y a pas de problème, quand on s'aime, comme on s'aime, viens chez l'arrêt, y'a du monde, chez l'arrêt, y'a beaucoup de monde, chez l'arrêt, y'a une blonde, chez l'arrêt, y'a tout le monde, chez l'arrêt, on sent bien, chez l'arrêt, c'est tout, c'est rien. Chez l'arrêt, c'est notre club à nous. Chez l'arrêt, on sent chez nous. Jean Lévesque, c'est le plus fin. Lui, il veut refaire le monde. Selon lui, il y a quelque chose qui marche pas dans le monde. La police, les ministres, les bourgeois, il aime pas ça. Il promène ses idées en MG d'occasion. Viens chez l'arrêt, il y a du monde. Chez l'arrêt, y a beaucoup de monde. Chez l'arrêt, y a une blonde. Chez l'arrêt, y a tout le monde. Chez l'arrêt, on sent bien. Chez l'arrêt, c'est tout, c'est rien. Chez l'arrêt, c'est notre club à nous. Chez l'arrêt, on sent chez nous. Ils sont jeunes, mais très bien. Ils vous poussent dans le dos, méfiez-vous. Ils ont rien, ils ont tout dans leurs mains, dans leurs yeux, dans leur tête, dans leur cœur, dans leurs veines, dans leurs mots, dans leurs gestes, ça se prépare. Chez l'arrêt, viens chez l'arrêt, y a du monde. Chez l'arrêt, y a beaucoup de monde. Chez l'arrêt, y a une blonde. Chez l'arrêt, y a tout le monde. Chez l'arrêt, on sent bien, bien, bien. Chez l'arrêt, c'est tout, c'est rien. Chez l'arrêt, c'est notre club à nous. Chez l'arrêt, on sent chez nous. Chez l'arrêt, y'a du bruit, chez l'arrêt, on oublie. Chez l'arrêt, on s'engueule, chez l'arrêt, t'es pas seul. Chez l'arrêt, y'a du monde, chez l'arrêt, y'a beaucoup de monde. Chez l'arrêt, y'a tout le monde, chez l'arrêt, c'est notre monde. Chez